chanson dans le cœur, une mélodie en accord majeur, un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter, danser ensemble. Un air de guitare, un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le noir. Chantez pour tous ceux qui s'aiment, chantez pour les cœurs qui saignent, chantez les joies et les peines, chantez à en perdre haleine. Dansez avec ceux qu'on aime, dansez pour les soirs de fête, dansez à chaque seconde, dansez jusqu'au bout du monde. On a tous une chanson dans le cœur, un air qui nous met de bonne humeur. Quel que soit le style, un CD, un vinyle, on peut l'écouter pendant des heures. Un chanteur de bal un samedi soir me rappelle le début d'une histoire. Une chanson qui reste gravée dans nos têtes, un refrain qu'on connaît par cœur. Chantez pour... Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gamozo 107 FM. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le web www.radiogamozo.eu, ainsi qu'à tous nos amis Facebook. Bonjour le Québec, il est 10h, alors des bisous à ma petite équipe. Bonjour Marc. Bonjour Gilou. Tu vas bien? Ah bah très bien toi. Ça faisait longtemps. Oui, ça nous rajeunit pas tout ça. Un petit moment, oui tout à fait. Ouais. Oui, bon, désolé, Liane n'est pas là, mais bon. Oui, voilà. Voilà, je suis quand même content de te retrouver. Bah même, moi c'est pareil, et puis bon, bah, on fait un petit coucou à Lia, hein, bon, qui a des petits soucis, voilà. Oui. Ah, voilà, on lui fait un petit coucou. Alors, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la radio. J'ai entendu ça quelque part. Tu m'apprends plein de choses, c'est bien. Tu vois, tu m'apprends encore. Alors, vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en direct jusqu'à 17h30 en musique. Pour cette émission, une spéciale Saint-Valentin avec des chansons d'hier et d'aujourd'hui. Je fais un petit coucou à Mado aussi de Radio Puisalène. Alors Mado, si tu m'écoutes, voilà, je te fais des bisous. Ça fait longtemps que tu ne nous as pas appelés. Je dirais moi non plus, ça fait un petit moment. Donc, vous pouvez nous laisser des messages sur Facebook, sur nos pages respectives, Radio Gamozo et Gilles Mougel officiel. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 03 29 62 40 40, parce que cette semaine, nous avons organisé un petit concours. Alors, vous pouvez gagner un CD autographié. Moi, je dirais peut-être dédicacé. Ça, c'est ma collègue du Québec. Il faut les comprendre au Québec. Lynn, si tu m'entends, voilà. Alors, c'est un CD de Manon Grenier, officielle, une belle artiste québécoise que nous avons eu le plaisir de vous faire découvrir dans les années bonheur. Vous l'entendrez encore aujourd'hui. Vous pouvez participer sur Facebook. Il faut aimer et partager cette publication en mode public. Pour être admissible, vous devez aimer notre page. Vous pouvez participer également, je viens de le dire, en nous appelant au 03 29 62 40 40 lors de notre émission spéciale Saint-Valentin pour nous dire quelle est votre chanson d'amour préférée. Et participer en assistant à notre émission spéciale Valentin. Voilà, j'avais mis dans la publication si vous vouliez nous rejoindre en studio, mais vu le temps qu'il fait. Hein Marc? Voilà. Donc vous avez jusque vendredi 14 février pour participer. Le gagnant sera choisi au hasard. Bonne chance à tous. L'équipe Gilles Mougel officielle. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi que le 22 et 23 février à Remiremont au Palais des Congrès aura lieu le 25e salon au rendez-vous des terroirs d'ailleurs. Sera présent, alors ça sera le samedi 22 de 10h à 20h, le dimanche 23 de 10h à 19h. Entrée 3 euros dès 12 ans, parking gratuit. Avec la participation de Jonathan Mougel, c'est mon fils, meilleur ouvrier de France, pâtisserie. Voilà. Je voulais faire cette petite annonce et puis ben, on va commencer en chanson.

Voilà, mon ami Pierre Charby qui nous a fait le plaisir assez souvent de participer à nos émissions. J'espère qu'on se retrouvera bientôt sur nos ondes. Alors j'ai un petit mot de Mado qui me met un petit message. Alors Mado te fait des gros bisous, Marc. Voilà. C'est très gentil, ça. Ah, c'est gentil. Évidemment, nous renvoyons la politesse. Exactement. Exactement. Merci, Mado. Bah, écoute, voilà, hein, si tu veux nous faire un petit coucou, voilà, on dirait qu'il n'y a pas de problème. Oui, voilà ce que je voulais dire. On retrouve maintenant Claude Barzotti avec cette chanson « Aime-moi ». Comme les radeaux dérivent, les canoës, comme le vin enivre, se griser, comme un tango, tangué se renverser, tomber, comme l'oiseau porté par les grands vents. Comme le bateau au fond de l'océan, comment choisir le vide, le néant? Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Ne surtout plus penser, du bout des doigts, te toucher, te troubler, dire que je danse, mais t'apprivoiser, tomber dans cet orage, mourir foudroyé, dans ce volcan, me perdre et m'y brûler. Mourir d'amour et en ressusciter. Aime-moi comme une parenthèse, une pause, une trêve, un vide où je me noie. Aime-moi comme l'amour en rêve, sans interdit, sans règle, ne plus penser qu'à ça. Aime-moi. et comme un sacrilège assouvir le cortège de mes désirs de toi. Aime-moi. Et j'arrête le temps, respire à contre-temps, ne respire presque pas. Aime-moi. Je trace le chemin de la bouche et des mains, te dessine la voie. Aime-moi. Et c'est moi qui décide, qui t'emmène et te guide et dispose de toi. Te manger comme une pomme qu'on craque et abandonne, te prendre comme un homme. Je connais la manière et comment il faut faire pour trouver la lumière. Voilà, Claude Barzotti, aime-moi. Alors, oui, bien sûr, comme je vous le disais en préambule, vous pouvez nous appeler au 03 29 60 du 40 40. Voilà, pour nous faire un petit coucou et puis pour nous dire quelle chanson d'amour vous préférez, hein, bien sûr, de toutes les époques, de toutes les décennies. Et puis, bon, bien sûr, vous pourrez gagner un CD autographié. Je me moque. Elle me connaît, on agente. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à nous appeler. Voilà, il fait un triste temps, si vous êtes à la maison, bien au chaud, vous nous appelez, voilà, ça serait sympa. Alors là, je vais retrouver Anaïs et Fabien, mes amis artistes, aussi Anaïs et Fabien, qui sont adorables, le duo Anaïs et Fabien, et qui ont eu la gentillesse de m'envoyer quelques titres de leur tout dernier album, qui est sorti tout dernièrement, là. Et voilà, donc ce titre, on l'écoute, et c'est « Je pense à toi ». À toi, chaque jour, soir et matin. Je pense à toi, je pense à toi. Dans mes sommeils, dans mes nuits blanches. Je pense à toi, je pense à toi. Quand tu es loin, quand t'es pas là, je pense à toi. Je pense à toi, je pense à toi. Dans mes sourires, dans mes silences. Je pense à toi, je pense à toi. Dans mes souvenirs de vacances, je pense à toi, je pense à toi. Passé, présent, futur, je pense toujours à toi. Toi, toi qui me donnes le goût de vivre, toi qui me donnes envie d'aimer. Toute ma vie, je veux la vivre et la passer à tes côtés. Toi, toi qui m'as appris à aimer, à aimer. Je pense à toi quand ça va mal, quand je suis pas bien. Je pense à toi, je pense à toi. Quand il fait beau, que je suis heureux. Je pense à toi, je pense à toi. T'es toujours là dans mes pensées, je pense à toi. Je pense à toi, je pense à toi. Au jour où l'on s'est rencontrés, je pense à toi, je pense à toi. À nos fous rires, à nos baisers, je pense à toi, je pense à toi. Aux jours heureux qui nous attendent, toi et moi. Toi, toi qui me donnes le goût de vivre, toi qui me donnes envie d'aimer. Toute ma vie, je veux la vivre et la passer à tes côtés. Toi, toi qui m'as appris à aimer, à aimer. Toi, toi qui me donnes le goût de vivre, toi qui me donnes envie d'aimer. Toute ma vie, je veux la vivre et la passer à tes côtés. Toi, toi qui m'as appris à aimer, à aimer. Voilà, Anaïs, c'est Fabien. Alors, j'ai des petits coucous. Bah, je fais un petit coucou à Fabienne, qui est à l'écoute, n'est-ce pas ? Elle nous dit qu'elle a du beau temps. Elle habite dans le sud. Elle nous avait téléphoné la semaine dernière. Elle nous fait encore marronner, n'est-ce pas, Fabienne ? J'ai aussi des bisous de Sylvie, qui était avec nous la semaine dernière lors de la spéciale Frédéric François, le chanteur de ces dames. Voilà. Alors, nous allons écouter maintenant Isa. Alors, Isa est une artiste, je ne dis pas de bêtises, qui est de Suisse, que j'aurai en fauneur la semaine, jeudi prochain. Si je ne me trompe pas, on sera le 20 janvier. Et là, elle nous interprète « Danse avec moi ». Décide-toi, viens vers moi. Ah, ah, ah. Laisse-toi aller au son de l'amitié. Oublie le reste, le temps est trop court, viens vers moi. Ah, ah, ah. Que mes bras t'enlacent rien qu'une fois. Danse. Nos regards se croisent, j'ai envie d'y croire, je suis là. Dans tes bras, nos corps se collent, nos pas s'enlacent, restons là. Ah, ah, ah. Rien qu'une fois, prends-moi dans tes bras. Danse avec moi. Prends-moi dans tes bras. Danse. Contre toi.

pour s'aimer côté chagrin. Un amour matin câlin, un amour en crescendo, dépassant les mots les plus beaux. Un amour, un seul amour, mais qui te ressemblera et qui par toi deviendra. Un amour fou, un amour pour la vie, un amour infini, né des aventures, des mille blessures. Rien qu'un amour qui serait l'emblème de ce troubadour qui d'un je t'aime cherche à t'apparaître ce soir peut-être. Un amour fou, un amour géant, un amour océan où se noient les cœurs des marins en pleurs. Rien qu'un amour qui serait l'emblème de ce troubadour qui d'un je t'aime cherche à t'apparaître ce soir peut-être. Un amour fou, un amour géant, un amour océan où se noient les cœurs des marins en pleurs. Rien qu'un amour qui serait l'emblème de ce troubadour qui d'un je t'aime cherche à t'apparaître ce soir peut-être. Voilà une belle chanson de Franck Michel, Un amour fou. Alors, nous, demain, c'est la Saint-Valentin. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un proverbe qui dit « À la Saint-Valentin, elle te tient la main. » Vivement la Sainte Marguerite. Bon, il fallait que je la fasse. Il fallait que je la fasse. Bon, je redeviens sérieux. Il faut de la bonne humeur, bien sûr. Alors là, on repart en 1973. Alors, mesdames qui écoutez, vous ne me corrigerez pas, parce que là, je suis sûr que c'est la bonne date. N'est-ce pas? Avec ce groupe Crazy Horse qui nous chante Ne rentre pas ce soir. Ne rentre pas ce soir, déjà il se fait tard. Je t'en prie, reste là, tout près de moi. Ne rentre pas ce soir, j'aime. Qui brille est dans nos yeux. Ne rentre pas ce soir, tu sais, tu peux me croire, rien n'est plus beau que de dormir à deux. Fragile comme une caresse, tu t'endors dans mes bras, docile comme une promesse, reste là. Pour nous sera plus belle qu'avant. Oh non, ne rentre pas ce soir. Déjà il se fait tard. Je t'en prie, reste là toute la nuit. Ne rentre pas ce soir. J'aimerais tant pouvoir te réveiller pour la première fois. Ma vie, ne rentre pas ce soir. Voilà, Crazy Horse. Alors voilà, toutes des belles chansons d'amour. Alors, il y en a des chansons d'amour. J'ai eu du mal de faire mon choix. Alors bien sûr, comme je vous disais, n'hésitez pas à nous appeler. Dites-nous quelle chanson d'amour vous trouvez la plus belle. Et vous gagnez un CD. On retrouve David Christie, chanteur aussi des années 70, qui nous interprète Pour un petit cœur. Jusqu'ici, je n'avais rien fait. Je vivais dans pur espoir et d'air frais. Mais pour toi, je vais décrocher des étoiles comme s'il en pleuvait. Ton sourire, tes yeux étonnés, ta façon de dire je compte sur toi, m'ont donné l'envie de prouver que tu peux tout me demander. Pour un petit cœur qui pose, pose, pose, pose, pose, pose, pose, pose, pose, pose, pour un petit cœur, rose, rose, rose, rose, rose, rose, rose, rose, rose, comme un paradis. Pour un petit cœur, viens vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, on est prêt à risquer tout. Pour un petit cœur, on a le, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, un beau jour sa vie. Le timide devient Superman, l'insouciant, sérieux, le sage, un peu fou. Quand l'amour un jour nous enflamme et la terre tourne alors pour nous, moi j'étais triste et même jaloux de tous ceux qui s'aiment, mais c'est fini. Près de toi, grâce à toi, j'avoue être heureux enfin aujourd'hui. Pour un petit cœur qui pose, pose, pose, pose, pose, pose, pose, pose, un baiser sur votre joue. Pour un petit cœur rose, rose, rose, rose, rose, rose, rose, rose, comme un paradis. Pour un petit cœur qui habite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, on est prêt à risquer tout. Pour un petit cœur, nous allons maintenant retrouver une artiste québécoise, Manon Gonier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Ça fait l'objet de notre concours. Si vous voulez gagner son CD, donc vous nous appelez, vous likez nos pages, voilà. Alors Manon Gonier, c'est son tout dernier album, et là elle nous interprète Pardonne-moi de ne pas te dire je t'aime. Te dire je t'aime. Pardonne-moi, je t'ai fait du mal. Je sais, c'est pas normal. Pardonne-moi, ce n'est pas banal. T'es fragile comme le cristal. Pardonne-moi, je t'ai fait de la peine. Va te dire je t'aime. Pour effacer mes rêves les plus beaux, écoute mon cœur, il t'a raison.

c'est frêle que je te voudrais toujours près de moi. Je suis perdu, je ne vis plus quand je suis un jour loin de toi. Je viens t'offrir une rose, tu vois, j'ai pensé à toi. Je sais que c'est peu de choses, mais ton cœur me comprendra. Elle te dira que je t'aime quand elle sera dans tes mains, comme l'eau à la fontaine. Tu sais, ma vie t'appartient. Je viens t'offrir une rose, tu vois, j'ai pensé à toi. Voilà Paul, s'y verse une belle chanson. Alors voilà, Mado nous avait perdu, mais nous a retrouvés sur les ondes. Voilà, alors maintenant je vais faire tiens, une première dédicace à Fabienne qui nous suit là. N'est-ce pas Fabienne? Pardon, c'est le temps, on a la gorge un petit peu. Voilà, donc on va écouter maintenant Christian de Lagrange avec ce titre « Reviens, mon amour, reviens ». C'est pas une déclaration Fabienne, hein, c'est juste le titre, on en voit. Pour un regard, tu as voulu partir, mais plus un soir. Reviens, les fleurs du jardin Christian Delagrange, qui est actuellement en tournée sur la tournée H Tendre 2020. J'ai eu le plaisir de le recevoir 4 fois en faux-honneur dans l'émission Les Années Bonheur. Un bel artiste aussi, Christian. Alors là, Marie Myriam. J'adore Marie Myriam. Une belle voix, voilà. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'avoir en faux-honneur Marie Myriam, mais j'aurais bien aimé. Voilà, alors Marie Myriam, là, nous interprète Sentimental. Sentimental. Moi, je suis comme ça. C'est l'idéal. Quand tu me prends dans tes bras. Voilà, Marie Myriam, sentimentale. Alors, Fabienne, Mado, on se calme, les nénettes, parce que je sais bien que vous aimez telle ou telle chanson, mais j'ai 1h30 d'émission, il y en a plein des chansons d'amour, et il nous faudrait 2 jours pour tout passer. Alors voilà, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors maintenant, on retrouve, séducteur de ces dames aussi, Julio Iglesias, avec ce titre qui n'est peut-être pas le plus connu, mais je trouve que c'est une belle chanson. Ce titre s'intitule « Jolie ». Quand les premiers hommes et par amour croquent à la pomme, je t'assure qu'il a dit révélez-toi. Ce n'est pas à Ève qui l'aurait tendu célèbre, si donc qu'elle avait bâti en ces temps-là. Moi je plus de chance, tous les jours on se fiance, je te rêve, je m'éveille et je te vois. jolie, jolie, jolie, jolie, oh oui, c'est pas bien, c'est mon gentil, il n'y a pas de fille aussi. Jolie, jolie, jolie, quand qui sourit, eh bien, les anges, à mon avis, ne sont pas tous au paradis. Ma belle aventure est parmi tant de créatures, et toi la seule qui ainsi m'a privoisé. Toi mon insoumise, mon péché de gourmandise, tu m'as fait tourner la tête, c'est parfait. J'ai oublié même jusqu'à ton nom de baptême, simplement je préférais te surnommer. Jolie, jolie, jolie, jolie, oh oui, t'es pas bien, c'est mon gentil, il n'y a pas de fille aussi. Jolie, jolie, jolie, quand qui sourit, eh bien, les anges, à mon avis, ne sont pas tous au paradis. Quand les premiers hommes, par amour, croquent à la pomme, j'ai ta signe qu'il a dû rêver de toi. Ce n'est pas ça, Eve, qui l'aurait tanti célèbre, si ton cœur avait bâti à cet âme-là. Moi, je puis de chance, tous les jours on se fiance, de deux rêves, je m'éveille et je te vois. Jolie, jolie, jolie, jolie, oh oui, t'es pas bien, c'est mon gentil, il n'y a pas de fille aussi. Jolie, jolie, jolie, quand tu souris, eh bien, les anges, à mon avis, ne sont pas tous au paradis. Jolie, jolie, jolie, quand tu souris, eh bien, les anges, à mon avis, ne sont pas tous au paradis. Voilà, joli Julio Iglesias. Alors demain, c'est la Saint-Valentin. Je pense que vous allez préparer un bon petit repas, les Valentins, les Valentines. Alors, si on partait avec François Valéry, dis non ce soir en amoureux. C'est bien vrai, je ne rêve pas, tu n'as pas changé. C'est bien toi, c'est bien ta voix et ton sourire. Tu ressembles aux souvenirs que j'avais gardés, mais tu es plus belle encore qu'en souvenir. Le vent du passé a déchiré la belle histoire. Le vent d'aujourd'hui nous réunit, moi qui croyais que c'était fini. Dis-nous ce soir en amoureux, oublions nos adieux. Réinventons l'amour. Dis-nous ce soir en amoureux, comme si les jours heureux devaient durer toujours. Retrouvons le chemin de nous, les mots qu'on disait et nos baisers fous. Jouons encore avec le feu, dînons en t'emmène au restaurant de la rue du port. Tu sais, je n'y suis pas retourné depuis. Il faut quelquefois savoir changer de décor quand on est certain que la pièce est finie. Le patron sera heureux de voir qu'on est ensemble. Il ne pourrait pas imaginer que l'aventure terminé. Dînons ce soir en amoureux, oublions nos adieux, réinventons l'amour. Dînons ce soir en amoureux, comme si les jours heureux devaient durer toujours. Retrouvons le chemin. Encore avec François, Valérie, vous êtes toujours sur le 107 FM Radio Gémozo dans les années bonheur avec cette émission spéciale Saint-Valentin. Alors maintenant, on va retrouver bien sûr un grand chanteur, Mike Brandt. On se retrouve par hasard. Mike Brandt, on se retrouve par hasard. Alors là, je fais encore une petite dédicace à Fabienne. Voilà, puis je fais une petite aparté, parce que la semaine dernière, on a fait une spéciale Frédéric François. Mais elle n'avait pas compris que c'était que Frédéric François, puis elle voulait Mike Brandt. Voilà, Fabienne, tu vois, j'y ai pensé. Alors, on retrouve un autre chanteur belge, Ivan Sevic, qui nous chante « À l'amour, à la vie ». Sur yesterday, le cœur aux lèvres, et leur corps en secret brûlé sans fièvre. Si le plus fou des deux ne se résigne, ils seront. Mais le temps nous trahit, c'est la

plus que tes amis et le football qui compte pour toi. Et j'ai l'impression que tu ne vois plus en moi que la mère de tes enfants. Oh, je ne te demande pas de m'offrir des fleurs tous les jours, mais de faire de temps en temps un geste d'amour. Et ce soir, je voudrais encore une fois te retrouver, rentrer au petit jour et puis t'embrasser. Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé. Ce soir, laisse-les de côté. Michel Thor, voilà, emmène-moi danser ce soir. Alors cette chanson a été composée par François Valéry qu'on avait écouté précédemment. François Valéry aussi est un grand compositeur. Alors on écoute maintenant une chanteuse belge, malheureusement qui est décédée, Maria Miel. Et elle nous interprète ce titre « Appelle-moi ce soir ». Maria Miel, appelle-moi ce soir. Voilà, Maria Miel a travaillé avec Frédéric François. C'est Frédéric François qui lui a composé. D'ailleurs, si on écoute bien, on reconnaît bien un petit peu la plume de Fredo dans cette chanson. On retrouve Jean-François Valence avec cette chanson et cette rose. Parce que tu chantes dans mes silences, que tu enchantes mes nuances, tu es ma plus douce chanson. Parce que tu t'imposes sur ma gamme, que tu composes avec mes larmes, tu es ma plus forte raison. Parce que l'arpège de ton corps tombe dans le piège de mes accords, tu es mon plus chaud soupir. Parce que tu portes mes mélodies, que tu m'emportes et t'épanouis, laisse-toi offrir cette chanson et cette rose comme un bouquet de musique en un chiffre symbolique fait de parfum et de prose. Cette chanson et cette rose pour ce temps d'anniversaire, pour que cette année entière soit bénie de belles choses. Parce que tu danses dans mes racines, que tu encenses tes épines, tu es ma plus douce fleur. Parce que tu t'ouvres à chaque escale, que tu me couvres de pétales, tu es ma plus forte senteur. Parce qu'on marie avec tes feuilles, des la scie et du tilleul, tu es mon plus beau sourire. Parce que je rêve dans ta corolle, que tu t'enfièvres de paroles, laisse-toi offrir cette chanson et cette rose comme un bouquet de musique en un chiffre symbolique fait de parfum et de prose. Cette chanson et cette rose pour ce temps d'anniversaire, pour que cette année entière soit bénie de belles choses. Cette chanson et cette rose comme un bouquet de musique. Cette chanson et cette rose, c'est une brassée de caresses, c'est une portée de tendresse qui nous touche les paupières closes sur cette chanson et cette rose. Jean-François Valence, voilà. Il est 17h26, l'émission se termine tout doucement. Ben, vous avez été timide, mesdames. Hein. J'espère que vous le serez moins demain. On écoute maintenant un beau duo. Ça date du tout début des années 80, si je ne me trompe pas. Herbert Léonard et Julie Pietri, Amoureux fou. Déchiffrer tes yeux d'aquarelle, me glisser sous tes satins, embrasser tes lèvres, gémir dans ton cou et nous sentir amoureux fous. Je amour fou. Me rafraîchir de tes caresses, trouver tes chemins secrets, retenir nos souffles, mêler nos cheveux et nous sentir plus amoureux. Amoureux fou, amoureux à mourir, à ne plus manger, ne plus dormir. Amoureux fou, à ne plus savoir qui on est, ni le jour ni même le temps qu'il fait. Qui n'a pas rêvé la nuit d'être au moins une fois dans sa vie. Amoureux comme nous, amoureux fous. Amoureux comme nous, amoureux fous. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Alors, un petit coucou particulier. Merci à Aline, Mado, Patricia, Fabienne pour leurs petits messages sur la page Facebook. Merci Marc pour la technique. Je vous retrouve la semaine prochaine. Donc, comme je vous l'avais dit, avec une artiste, Isa, nous serons en Suisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Bonne Saint-Valentin à tous et soyez heureux. Bye bye. Un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le noir. Chantez pour tous ceux qui s'aiment, chantez pour les cœurs qui saignent, chantez les joies et les peines, chantez à en perdre haleine. Dansez avec ceux qu'on aime, dansez pour les soirs de fête, dansez à chaque heure.